Chief. Ça fait pareil. We'll be right back. voudrais pas un truc un peu plus simple, mais un truc un peu moins compliqué, plus abordable pour les novices. Une, comment ils disent, un backing track classique. Thank you.